On va parler de jeux vidéo. Grande nouvelle qui est annoncée il y a 2 semaines, c'est que EA Sports va refaire un jeu de la NCAA très très bientôt. Évidemment, ça a été une nouvelle très bien reçue par les gamers. En une heure, le site de EA Sports sur Twitter, ben, il y a eu 100 000 abonnés sur le site EA Sports College Football. On en parle avec notre ami René Cadieux. Salut René! Salut! René, c'était une grande nouvelle. Moi j'étais content parce que quelque part, c'est la meilleure. Moi, j'ai toujours aimé mieux NCAA que Madden. Donc, avoir la réaction des gens sur Twitter, c'était vraiment attendu, cela. Ouais, ben, c'est une série qui était quand même aimée jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes avec la cour, là, à cause des droits des joueurs, il fallait payer. Puis, dans le fond, c'est pour ça qu'en prime abord, il y avait arrêté d'en faire, mais il y avait des problèmes en cours avec les joueurs pour le college football, parce que les joueurs sont pas professionnels, mais ils étaient pas énumérés, mais la compagnie utilisait leur nom dans le jeu, fait que ça faisait un problème, mais ils étaient pas payés. En fait, ils retenaient pas le jeu, sauf que, ils ne servaient pas de leur nom. Par contre, on savait que c'était eux autres. Là. Bon, quand on suivait le football, on savait que c'était eux autres. Fait que là, cette fois-ci, ils ont décidé de... On fait les trucs avec toutes les équipes, tous les logos, toute l'équipe de la NCAA, mais on va utiliser vraiment des bonhommes fictifs, puis ça va être ça. Puis il faut s'attendre que ça soit fin 21, peut-être qu'on va avoir du visuel. C'est vraiment tôt dans le développement. Là. Ils commencent... qu'ils ont déjà le moteur de Madden qui est quand même un excellent moteur pour partir ton jeu de football. Ça va dépendre combien aussi ça ramène. Tu veux pas le NCAA ramener de l'argent pour ceux qui l'ont ramené, qui ont voulu le ramener. Là, c'est quand même une vache à lait pour IE. C'est le football qui ramène déjà, puis NCAA qui en rajoute aussi. Avec Madden, avec ça, t'es rendu avec un bon moyen de faire de l'argent. Puis habituellement, même au grand des arrois, des joueurs, des amateurs des jeux de hockey, le NCAA a souvent été mieux fait quasiment que les NHL. Fait que ils donnaient un gros travail. Est-ce qu'ils vont faire la même chose cette fois? D'après moi, oui. Mais ça reste à voir encore comment ça allait avec ça, mais ça devrait sortir sur toutes les consoles qu'on a actuellement, ou dépendant en 2022. Je pense que ça va être sur la PlayStation 5. Hein? C'est ça. Tout dépendant là, où c'est quand ça sort, là, où on est rendu avec la. On va voir sur quoi, mais d'après moi, ils vont faire ça sur l'autre console. Là. OK. Dis-moi, est-ce que c'est une nouvelle qui s'en vient? C'est une nouvelle, est-ce que pour le basketball, tu as eu des nouvelles aussi? Je tape beaucoup, sauf qu'on n'a pas entendu parler du NCAA basketball. Est-ce qu'il y a des chances qu'on voit ça également? Ouf, non, ça je pense pas. Peut-être comme elle joue dans la NBA, mais non, ça c'est de quoi qui toucheront pas. OK. Changement de... des compagnies. Là, on remarque la compagnie de la MLB d'abord a décidé, je sais pas si ça va être comme ça avec le basket, mais la MLB vient de rentrer dans, mettons, dans les obligations de du jeu, ce qui faisait San Diego Studio, un studio de Sony qui développait la MLB de show. Ouais, et viennent obligés de le sortir, obligés, fortement recommandés de le sortir sur d'autres plateformes. C'est pour ça que cette année, on va voir un jeu de Sony sur la Xbox One, là, la Series X, la One, le jeu MLB Le Show, qui est l'un des meilleurs jeux de baseball qu'on a, peu importe, sur console, puis même sur PC, tant qu'à ça, parce que PC, c'est juste des affaires de gestion. Est-ce que lui va sortir sur les consoles sur Xbox? T'sais, on peut s'attendre à ce qu'il fasse la même affaire, puis peut-être que l'NBA dirait, bon, mais gars, on veut vous sortir la NCAA ou quoi de même, ou avec le succès, peut-être, de... C'est tout dépendant de comment le NCAA football va arriver, comment qu'on va prendre ça. Est-ce que on va décider qu'eux autres aussi vont mériter ça? C'est avec un March Madness et tout, oui, il y aurait sa place, mais ça reste à voir encore. Lui, ils n'ont pas parlé à date, ils n'ont pas annoncé rien. Puis, tu sais, regarde pour la NCAA, il y avait un studio qui voulait développer un pseudo-jeu, je me rappelle plus de la compagnie, là, qui a fait un genre de justement un jeu qui rappelait à la NCAA. Ça a sorti il n'y a pas longtemps, je me rappelle plus du nom, c'est un nom bizarre, quelque chose de football, un petit jeu pas indépendant. C'est pas Maximum Football de Doug Flutie? Oh, c'est ça, ouais, c'est lui que je cherchais. Ouais, ouais, ok. Que, ça a peut-être amené le retour de la NCAA dans le football. Fait que peut-être, c'est sûr que si les ventes sont là et tout marche, le monde le peut. Il pourrait ramener la NCAA au niveau basketball, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien annoncé. Là. Okay. Contente, et... Donc, je pense qu'il faut s'attendre peut-être à 2022. Il n'y a pas de date de dévoilée, il n'y a rien, sauf qu'il faut peut-être s'attendre à 2022 dans le cas de... Ils ont dit qu'ils étaient tôt dans le développement. Là. Ils annonçaient qu'ils allaient faire un jeu, mais c'est tout. OK. Est-ce que c'est long à développer? Dépend de l'équipe qui est là-dessus, dépend de l'argent qui est là-dessus. Puis avec le COVID, oui, c'est plus long. Ouais. Ensuite, tu as de la misère. Il y a eu un gros. C'est CD Projekt Red ont sorti justement le Cyberpunk qui était très entendu. Puis le jeu, il y avait des problèmes un peu partout. Fait que ça reste qu'il faut s'attendre qu'ils vont. S'ils veulent pas offrir de quoi, puis là, si on parle d'un retour et non d'un jeu qui est établi, là, ils veulent ramener la franchise. Fait qu'ils sont mieux de travailler dessus et d'offrir de quoi, même si c'est en 2023, de quoi qui est solide. Ben, s'ils restent leur coup, le monde n'iront pas. Puis. Ouais. Il y a le baseball, le NCAA pour le baseball, là, vers la fin, le monde, il allait plus, là. Ça allait beau être un bon jeu, mais les ventes n'étaient pas au rendez-vous, fait qu'ils ont juste mis la clé dans la porte. Puis... Ouais, ouais. OK. C'est là, mais c'est tellement attendu, écoute, c'est tellement attendu, ce jeu-là, là. Ça fait. Puis ça a marché. Ça a été enlevé, pas parce que ça marchait pas. Au contraire, c'était très, très vendu. Je serais curieux de voir les ventes. Ben, c'était parce que Ed O'Bannon, qui est un ancien joueur de basketball de l'université de UCLA, avait fait une plainte, puis c'est pour ça que les jeux, tout ce qui touchait la NCAA, avait été enlevé. Je veux te parler en terminant de PlayStation versus Xbox, les nouvelles consoles. Ça en est rendu où, ça, là? Aux dernières nouvelles, c'était dur à trouver. Est-ce que c'est plus facile à trouver maintenant? Pas toujours, oui. Ça devrait être dur à trouver toute l'année. Ouais. Les scalpers, quand il y en a, ils les rushent tout dessus, ça sort pour qu'on le goûte. Mais quoi que ces deux très bonnes machines-là, c'est rendu vraiment au goût du joueur. C'est côté machine, les deux, si tu n'as pas beaucoup de budget pour acheter des jeux, tu veux de quoi, il va te donner bien de jeux, mais Xbox t'offre avec la série, la Xbox One, le Game Pass, ça vaut vraiment la peine parce que ça te coûte 7$ par mois, mais t'as accès à une librairie de 2, 3, 4, 500 jeux. Tu peux en avoir en plus sur PC parce que ton accès il est bon avec PC, dépendant le. Le Game Pass. Donc, tu dis qu'avec Xbox, c'est un genre de Netflix, mais jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça, là? C'est Netflix, ça, parce que tu payes ton affaire, mais tu as une grosse librairie que tu peux utiliser sur un appareil mobile, un cloud ou un PC, sur tout dépendant de l'abonnement. Là, il faut que tu prennes le Ultimate. Tu vas pouvoir jouer sur ton cellulaire, tu vas pouvoir jouer sur ta tablette. Ah, okay. Tu peux jouer sur ordi, tu peux jouer sur tes consoles. Fait que ça amène un large éventail, puis sur série, les jeux sont en mode plus et plus. Puis pour le côté PlayStation 5, oui, la manette, elle amène un petit quelque chose. Reste à voir ce que la DualSense, reste à voir ce que les éditeurs tiers vont l'utiliser, parce qu'à date, elle est très peu utilisée. C'est les jeux de la maison de Sony qui l'utilisent. Mais c'est les deux consoles, c'est deux très bonnes machines. De toute façon, je pense que c'est l'avenir. C'est peut-être la dernière console, la dernière console qu'on a vue. Là. Puis après ça va être ça. Là. Je pense que ça va être un genre de Netflix jeu vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Il y a des rumeurs. Ouais, c'est pas mal ça. Hey, mais j'ai vu la LMB de show sur PS5 sur les screenshots, parce que ça va sortir bien vite. Là. On est vraiment proche de la réalité, hein? C'est écœurant, ça n'a pas de sens, comme qu'on est proche. Ouais, juste les jeux, juste le basketball amenait déjà les gouttes de sueur, puis tout. Ouais. Ça reste des très beaux jeux. C'est vraiment si t'aimes le côté visuel plus réaliste, tout, c'est... On est vraiment rendu très bon. Hein? Ouais. On est vraiment rendu très, très proche. René Cadieu, gros merci, au plaisir de se parler. Merci à toi, bye. René Cadieu qui nous parlait de l'arrivée annoncée il y a une couple de semaines du retour de la NCAA football sur EA Sports.